Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousue main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Chaud devant, une série de Michel Pomarède, réalisée par François Teste. Au départ de cette série, il y a les restaurants qui ne rouvrent pas, une furieuse envie de se retrouver dans un troquet et le souvenir d'un lycée professionnel où des adolescents timides et gauches dans des costumes trop grands semblaient jouer au grand restaurant. Alors pour commencer, les personnages. Des lycéens au boulot, un prof voyageur, une directrice, des élèves qui s'appliquent, un chef sans toc, une jeune fille qui sait où elle va, un apprenti cuisinier écrivain et des futurs restaurateurs. Ensuite, le décor. Tablier, torchon, chaussures de sécurité, un bureau, une cuisine, des tartes, l'émigration, l'exigence, la discipline, la hiérarchie, la délicatesse, l'Aveyron, la maltraitance et une odeur de brûlé. Aujourd'hui, 4e épisode, on arrive au lycée professionnel. Quelques minutes vous suffiront pour préparer un dessert qui n'attend pas. Les pommes flambées. Cette recette est pour 2 personnes. Je m'appelle Baldé Boubacar. Je suis à CAP première année. Et moi, c'est Koulibaly Baraka. Je suis en seconde CAP cuisine. D'accord. Ouais. Moi, c'est Ali Badara Bari. Première année CAP cuisine à l'EREA. Et donc là, vous êtes en train de revêtir vos vêtements de cuisine. Oui. Ça, c'est pour respecter notre métier. Donc une blouse un peu épaisse en haut. Oui. Couleur blanche. Couleur blanche. Et un pantalon gris avec chaussures de sécurité. Et un tablier avec des torchons. Tablier et 2 torchons. Oui. D'accord. Alors on vous laisse faire et puis on va aller voir les autres en train de faire la même chose. Chaud devant. Michel Pomarède, François Teste. Cap sur le CAP cuisine. Oh, tranquille, vous inquiétez pas. Non, ils se mettent en tenue, il y a les filles qui arrivent, il n'y a pas encore toute la classe. Donc. Est-ce que vous pourriez juste vous présenter et me dire qui vous êtes? Alors, monsieur Robertier, professeur de cuisine et terminal CAP. Donc voilà, aujourd'hui on travaillera en trio avec les 2 professeurs à mi-temps de première année CAP. Donc on va former des binômes aujourd'hui. Première année, on va faire un commis, un terminal. Donc on va essayer d'organiser un TP un petit peu original. On va partir sur des tartes. Différentes tartes, tarte aux pommes, tarte normande, tarte. On va voir ce qu'on a un petit peu sous la main. Et puis voilà, on va s'adapter. Votre prénom ? Mathieu. Mathieu Robert. Voilà, c'est ça. On va travailler par binôme aujourd'hui, exceptionnellement. Première année, deuxième année. On va prendre le meilleur avec peut-être un qui a un peu plus de difficultés ou n'importe. Je vous laisse faire comme vous voulez. Vous avez 2 recettes. On vous a donné des fiches techniques. Donc normalement, vous avez la fiche technique de la tarte alsacienne, tarte aux pommes classique. Recette au tableau, pâte brisée, je pense que tout le monde sait faire. Pâte brisée sucrée. On va vous expliquer au cas où. Donc vous faites votre pâte brisée x2. Proportion. Ensuite, en pomme, on émince bien comme il faut. Toutes les parures, vous gardez pour faire une compote de pommes, pour garnir. Est-ce que vous avez déjà fait les premières années la compote de pommes? Ouais, c'est bon. Vous prenez une planche à découper par binôme et ensuite, vous attaquez, vous avez les fiches techniques. C'est les questions. Aujourd'hui, on est suffisamment de profs, je pense qu'on va y arriver. 3 profs de cuisine pour 10 élèves, je pense que ça va être bon. Ouais, et bien, c'est parti. Monsieur qui venait d'entrer, venez vous présenter. Bonjour, Mathieu Dorel, professeur de cuisine pour les premières années. Depuis cette année, septembre. Avant, vous faisiez quoi, vous? Avant, moi, j'ai fait beaucoup d'entreprises en insertion aussi, et public handicapé, je travaillais aussi beaucoup. Après, je fais du gastro, j'ai fait plein de... Qu'est-ce qu'on transmet quand on est professeur de cuisine? On transmet une passion, déjà, je pense. On transmet un savoir qu'on a appris depuis tant d'années, on transmet une rigueur, des bases assez générales qu'on peut retrouver dans le monde du travail, peu importe la filière après qu'on décide de prendre par la suite. Et du coup, la cuisine apporte beaucoup de rigueur à ce niveau-là, du travail, de l'assiduité, qui me semble très importante. Et voilà. Et Olivier n'est pas trop en forme. Ouais, on travaille, d'accord, Elodie. Allez. D'accord. La cuisine, ça fait oublier les soucis, Elodie. Donc Baraka, il va. Vous allez travailler tous les deux, ça va aller, ça marche. Hein. Allez, Cambord. Alors, je suis professeur de cuisine, hein, des premières années CAP. On me dit qu'aujourd'hui, le programme, c'est les tartes. Voilà, tarte aux pommes classique et tarte alsacienne. Hein. On prévue les collègues pour faire réaliser aux élèves. Voilà. Ça, c'est facile pour des CAP première année ou deuxième année? Les premières années l'ont déjà vu, ça fait partie des prérequis. Et les deuxièmes années, ça doit être maîtrisé et ça va être l'occasion de voir si c'est réellement maîtrisé ou s'il va falloir revoir ça un petit peu. Toi aussi, quand même, tu te mets dans le travail avec lui. Ok, Hazan. C'est pas Hazan qui fait tout seul et Cindy qui regarde. Hein. Ok? On fait ensemble. Cindy, après tu peux commencer à. Les autres posés. Patricia Collin, on est dans un bureau à l'ambiance tout à fait feutrée par rapport à l'ambiance de la cuisine où travaillent en ce moment les élèves qui fabriquent des tartes aux pommes. Vous êtes la directrice de l'EREA, l'établissement régional d'enseignement adapté ici à Villefranche-de-Rouergue en Aveyron. Quel est le public qui fréquente ou qui se destine au CAP cuisine dans votre école? Nous avons des jeunes sortant de troisième qui souhaitent s'orienter vers une formation, un métier de cuisinier. Nous sommes un établissement d'enseignement adapté à la difficulté scolaire et de ce fait, nous accueillons des élèves en réelle difficulté scolaire du fait d'un parcours chaotique, qu'il soit scolaire, social ou familial, qui a engendré un retard. Nous ne sommes pas dans la déficience cognitive, nous sommes dans le retard scolaire. Mais également des élèves qui ne sont pas passionnés par la scolarité, les longues études et qui souhaitent vraiment s'orienter vers ce métier de cuisine. Et nous accueillons bien sûr, comme dans tous les établissements éducation nationale, des élèves en situation de handicap et pour lesquels nous aménageons leurs emplois du temps en fonction des besoins particuliers qu'ils présentent. Patricia Collin, dans la cuisine, pas très loin d'ici, il y a quelqu'un qui vient du Mali. Quelqu'un qui vient du Pakistan, quelqu'un qui vient du Bangladesh, quelqu'un qui vient d'Albanie. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à Villefranche-de-Rouergue et comment est-ce qu'ils ont entendu parler de votre école? Lorsque je suis arrivée sur le poste de direction de l'établissement, il y avait déjà quelques élèves, alors EANA, la sigle de l'éducation nationale, élèves allophones nouvellement arrivés en France, qui suivaient les formations professionnelles. Ces jeunes arrivent souvent non francophones, bien sûr. Donc on a, en équipe de direction, proposé la mise en place d'un dispositif FLS de français langue de scolarisation pour proposer aux jeunes un certain nombre d'heures hebdomadaires en parallèle de leur formation pour apprendre la langue française. Ils nous arrivent de différents départements. Ce sont des migrants qui, une fois sur le territoire français, sont dispatchés dans les différents départements en regard d'un quota attribué pour chaque département. Et puis, nombreux sont ceux qui veulent faire une formation cuisine. Et nous ne pouvons pas répondre d'ailleurs à toutes les demandes. Voilà, il y a un attrait particulier pour ces jeunes pour la cuisine. Et ils se montrent très performants. Très bien, doucement, mettre l'attention. Mais je mélange bien les bords avec la farine. Avec le bout des doigts. Oui, c'est ça. Parfait. Nickel. Vas-y, un peu plus fort. Voilà. Faut appuyer. Oui. D'accord. Il m'explique comment bien sabler la pâte brisée avec la farine et le beurre. Oui, par contre, je parlais trop mal français. Mais ça fait pas trop longtemps que je suis là, juste un an, 6 mois, que je parle en français. C'est trop facile pour moi de parler français, mais... Parti. Là, le poste s'est pas rangé. Alors j'ai demandé à ce qu'on range le poste, s'il vous plaît, là. Il y a les poubelles sur table, là, ça me plaît pas, là. La planche, là, derrière. Je veux pas savoir, allez. Dans une cuisine, il faut qu'il y ait de la rigueur. Parce que le client est très exigeant. Alors, donc on est obligé de répercuter cette exigence dans le travail. Il faut que ça sorte chaud, il faut que ça sorte vite, à l'heure. On court constamment après le temps. c'est l'ennemi du cuisinier, c'est le temps. C'est, vous arrivez le matin, il faut qu'à midi ce soit fini, quoi. Donc on est obligé d'être rigoureux et d'être... ouais, il y a une certaine discipline. Ouais. Mais j'entends le mot discipline, mais aussi lié à la sécurité. On est dans un environnement où il y a du chaud, oui. Vous avez des chaussures de sécurité, il y a des couteaux, il y a des ustensiles potentiellement dangereux. Oui. Donc tout cet environnement, il faut faire très attention quand même. Ah ben oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça fait partie justement de leur formation. En première année, ils apprennent tout ce qui est sécurité, hygiène, les bons comportements à adopter. Déjà, on ne court pas en cuisine, déjà. Même si on marche vite, on ne court pas en cuisine. On a des chaussures antidérapantes parce que vous voyez que le sol, des fois, bon, le problème, il est propre, mais ça arrive que... un peu de graisse, des projections de graisse au niveau du fourneau, vous avez vite fait de faire un grand écart, quoi. Donc, oui, ça s'apprend. Oui, c'est avec... Est-ce qu'il y a aussi, on pourrait dire, presque une circulation en cuisine ? Il y a une marche en avant, oui. Une marche en avant. Le salon ne croise jamais le propre. Donc, vous avez une légumerie où on épluche, on lave les légumes. Une fois qu'ils sont traités, ils changent de local. Donc, on a différentes chambres froides, différents frigos où on stocke justement les matières, les produits terminés et les produits bruts qui arrivent, qui ne rentrent jamais en cuisine en fait. Et en cuisine, c'est pareil, les déplacements, quelqu'un qui porte un récipient lourd ou chaud, il s'annonce. Parce qu'on passe dans le dos de quelqu'un qui est en train de travailler, on évite les gestes brusques, on s'annonce chaud, on parle fort, parce qu'il y a toujours beaucoup de bruit, donc on n'hésite pas à s'imposer, quoi, je veux dire, il faut y aller. Et donc du coup, oui, il y a des habitudes de travail à prendre au niveau des annonces. Celle-là, elle est pas un peu pourrie. Elle est partiellement pourrie, mais on va pas la jeter pour autant. Hein. T'enlèves juste la pourrie. Voilà, assez largement ce qui est pourri, mais les trois quarts de la pomme est commercialisable. Fabien Cambord, on va s'extraire un petit peu de la cuisine un peu trop sonore pour aller dehors. Allez, je vous suis. Je voudrais revenir sur votre parcours. Alors moi, j'ai pas une histoire forcément très très poétique de la cuisine. J'étais un élève correct à l'école, mais j'aimais pas l'école. Je me suis dit qu'est-ce que je veux faire. Je me suis renseigné sur la cuisine, d'autres métiers. J'ai dit je vais faire de la cuisine. Voilà. C'est venu comme ça, sans histoire familiale, sans décor magnifique. Mais j'ai choisi la cuisine. J'ai fait un BEP puis un bac pro. J'ai appris petit à petit à aimer la cuisine parce qu'effectivement la discipline que moi j'attends de mes élèves aujourd'hui, ben je l'ai reçue et d'une façon peut-être plus dure, plus rude, plus abrupte, il y a une vingtaine d'années. Donc j'ai dû apprendre à aimer la cuisine petit à petit, mois après mois, année après année. Et ensuite, ça a été beaucoup d'expériences sur plusieurs endroits, plusieurs régions, dans les Hautes-Pyrénées, Toulouse, Rodez, l'Aveyron. Et ensuite, beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie de progresser, de créer mes propres recettes en tant que chef. C'est un petit peu la genèse d'un chef cuisinier, la création avant tout, il me semble. Donc un parcours d'une quinzaine d'années en cuisine, dans beaucoup d'établissements, et cette découverte qui est venue un petit peu au bout de quelques années, de s'occuper de stagiaires, d'apprentis, voilà, en restaurant. C'est pas la première mission d'un chef, mais moi tout de suite je me suis senti investi de cette mission lorsque des enseignants m'ont confié des apprentis, des stagiaires, de me dire je vais prendre ça au sérieux. Au bout d'un certain temps, les enfants étant à la maison côté vie privée, je me suis dit tiens, est-ce que je pourrais continuer à travailler en cuisine, faire ce que j'aime et peut-être avoir un peu plus de temps pour mes enfants. Donc là, l'enseignement c'est un petit peu imposé à moi-même. Qu'est-ce que vous apprenez, vous, aujourd'hui, que vous allez transmettre demain ? Ce qui est primordial pour que les élèves aujourd'hui partent en stage et qu'ils commencent à travailler, ça va être le côté un petit peu rigueur du monde du travail et rigueur plus pour la cuisine. Effectivement, j'en ai parlé vendredi dernier puisqu'ils attaquent leur stage demain. Donc ça va être la ponctualité, la politesse, la propreté, la volonté, comment on se tient, pas avachi, pas les mains dans les poches. Voilà, tout ça, c'est les bases. On commence par là. Et une fois que ces bases sont installées, on va partir sur des techniques qui vont devenir du plaisir. Quand une fois qu'on compile des techniques, on a une recette qui réussit ou pas forcément parfaite, mais c'est pas grave. On se rend compte qu'en la mangeant, on en est fier. Les élèves, moi, je leur propose tout le temps de sortir le smartphone, de prendre des photos, qu'ils puissent les partager ensemble. La fierté, ça commence par là. Disons que la fierté va être un moteur pour engendrer du plaisir et favoriser l'apprentissage. Moi, je vois vraiment la chose comme ça. c'est plaisir. Tous les jours, ils m'entendent plaisir, plaisir, plaisir. La cuisine, c'est du partage. Il faut être heureux, ça fait plaisir. Voilà. Ok. Allez, Emilio, on ne traîne pas trop. Hein. On se chauffe un petit peu là ce soir. C'est des parents stage pour toi. Hein. Donc c'est bien cet après-midi. Tu t'échauffes tranquillement. Ce soir, toi, t'inquiète. Le stage, c'est où ? Au Saint-Jean, à Villefranche-de-Rouergue. Et je commence à 19h ce soir. Alors, c'est l'aboutissement de 2 ans de formation. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez ? Ça me fait, on va dire que quitter le milieu scolaire, ça me détendre un peu. Le stage, c'est combien de temps ? Mais dans la première année, c'est un stage de 3 semaines et d'un mois, et pareil pour la deuxième année. Il y a en gros 14 semaines, je crois. Celui-là, il est un mois. Et là, l'établissement, vous savez ce que c'est ? C'est une brasserie. Là, par exemple, ce soir, je travaille de 19h à 22h. Et demain, je travaille de 11h jusqu'à 15h. Mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand on va finir parce que la cuisine, c'est imprévisible pour les horaires. En fait, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on finit. Est-ce que vos professeurs vous ont préparé justement à dire « Attention, la contrainte horaire peut être importante ». Oui, ils nous ont préparé, oui. Dès le début, ils nous l'ont dit. De base, je veux faire cuisiner depuis mes 5 ans parce que ma mère a été cuisinière et mon père a été cuisinier. Et après, il y a environ 4 ans, j'étais en 3e. J'ai fait un CAP cuisine au CFA Rodez. Mais le problème, le premier restaurant que j'ai fait, disons que c'était... Qu'il y avait des saletés partout, il y avait des rats, enfin voilà, ça m'a complètement démotivé. Je suis allé dans un autre, mais j'étais tellement démotivé par le premier que j'ai été viré, en gros. Donc j'ai arrêté le CAP cuisine au CFA, je suis retourné en 3e. Et après la 3e, vu que j'avais des notes très très basses, on m'a proposé de venir ici en CAP cuisine à l'EREA. Au départ, je voulais pas trop, vu que j'étais encore démotivé, mais je me suis dit que je devais me battre pour ce métier, vu que j'aime faire la cuisine. Alors je suis venu à l'EREA en CAP cuisine. Si on se revoit dans 5 ans, vous ferez quoi ? Je sais pas du tout. Je pense que si vraiment je continue à accrocher à la cuisine, je serai toujours cuisinier. Mais après, sinon, quand moi je cuisine pas, j'écris des livres. Oui, j'écris. De quoi ? De fantastique, science-fiction, enfin voilà. Enfin moi, mes livres sont surtout basés sur les loups-garous, les vampires, enfin tout ce qui est un peu mythologique. Quand c'est cuit, tu balances ça au mixeur, tu débarrasses, et c'est bon. Attention, on s'allonge. Il faut que le chaud, chaud quand on passe derrière quelqu'un, Emilio. Ah, bah, ouais, c'est pas une fois que tu les rentres dedans, ouais. On fait un petit pas de côté, et on se retrouve à la réserve avec des tablettes de chocolat, de l'huile, l'épicerie. C'est bien parti, là, les tartes? Ouais. C'est pas mal. Il y en a un qui a fait déjà cramer ses pommes. Hein. Bon, mais ça, c'est le métier. Hein. Mais. Faire une tatin. Ouais, ça laisse ça. Ah, j'avais pas compris. Ouais. Bonne analyse. Mais non, ça va. Ça va. Franchement, les fonçages sont pas mal. C'est le plus dur. Hein. C'est le plus technique, c'est les fonçages. Hein. Rappelez-moi, depuis combien de temps vous enseignez la cuisine ? Moi, ça fait à peine 1 an et demi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie professionnelle ? Racontez-moi un peu le plus et le moins. Le plus, de très belles expériences, de très belles rencontres. J'ai pas mal voyagé. Où ça ? Dernièrement, je reviens de Saint-Barth. J'étais à Saint-Barth-et-Mille, j'ai passé 2 ans là-bas. Et je suis revenu ici parce que je suis un gars du terroir. Donc je suis revenu me poser un peu parce que, Saint-Barth c'est bien, mais c'est fatigant quand même. Qu'est-ce que vous avez cuisiné à Saint-Barth-et-Mille ? Les macarons. Énormément de macarons. C'est une clientèle quand même. C'est plutôt branché anglo-saxon. Ils sont très branchés sucre. Beaucoup de pâtisseries là-bas, les pecan pie, les macarons, les wedding cake, énormément de sucre. Puis ensuite, je suis revenu ici poser mes bagages, où j'ai fait 8 ans l'ouverture d'un restaurant à Saint-Antonin. Et ensuite, un petit ras-le-bol. Pas un ras-le-bol, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, avec Internet, les TripAdvisor, les sites où les gens vous démontent en long, en large, en travers, anonymement, derrière leur ordinateur, quand vous passez 10-15 heures en cuisine, l'été, juillet, août, où vous ne voyez pas le soleil, et que les gens ils vous disent « Ouais, c'était pas bien, c'était comme ça », alors quand vous leur demandez, ils vous disent « C'était parfait », il y a un moment où... Le client qui a ça, là, s'il critique, il a tout à fait le droit, parce qu'il paye, il a le droit d'exiger ce qu'il a commandé, il n'y a aucun souci. Le gars sur Internet, on n'est même pas sûr qu'il soit venu au restaurant. Ensuite, vous avez le concurrent qui va vous démonter. Donc ça, c'est vrai que c'est pesant. Quand vous faites une saison, vous avez bossé 50-60 heures par semaine, vous avez pas eu de jour de repos depuis un mois ou deux, il y a des fois, c'est difficile, quoi. C'est vrai que c'est difficile d'être au top tous les jours, toute l'année. Donc il y a eu ce petit temps de réflexion, voilà. Et vous êtes dit, pourquoi pas transmettre ? Plutôt, ouais. Plutôt que tout décrocher, j'aime mon métier, j'aime toujours mon métier, je suis passionné par mon métier. Je vais essayer de le transmettre à des jeunes qui en auront plus ou moins besoin. Il y en a qui sont plus ou moins motivés, surtout ici à Lauréat. C'est pas toujours évident. Il y a les gamins qui se retrouvent là, ils sont un peu perdus. Il y a des migrants, mais c'est pas eux qui ont le plus de soucis, enfin, on va dire. Eux, ils s'adaptent très très vite. Ils sont là, ils sont vraiment pas là par hasard. Ils sont extrêmement volontaires et motivés. Après, on a des élèves qui ont beaucoup plus de mal, qui ont décroché du cursus scolaire. Et pour eux, c'est très, très difficile. Ne serait-ce que même être en atelier, lire une recette de cuisine, c'est compliqué. Alors, les conversions, n'en parlons pas, quoi. Moi, j'ai laissé tomber les conversions, leur mettre 0,05, c'est combien ? Aucune idée, chef. Donc, je fais tout en grammes. Et puis, c'est bon. Il faut s'adapter à eux. Tu fais recette quoi de... Oui. Alors, soit tu fais 500 grammes d'un coup, soit tu fais en deux fois, comme vous voulez. Tu peux lui montrer, si tu veux, Azan, tu peux lui montrer comment tu fais ta technique au sablage, et elle reproduit. Ok. Si tu veux. Oui, voilà. Les techniques. C'est le mieux comme ça, tu lui montres un petit peu. Allô ? Oui. Qui vous a transmis le goût de la cuisine ? Ma grand-mère. Ma grand-mère, quand j'étais gamin, les gâteaux. Moi, je veux faire ça. Quoi comme gâteau ? Mocha, crème anglaise, riz au lait, des choses très simples à la base, mais le grand-mère avait le simple la madeleine de Proust, hein. Vous gardez des souvenirs et vous voulez le refaire à la maison, et puis ensuite aujourd'hui c'est plutôt Master Chef et Top Chef, je pense, hein. On n'a pas les mêmes références, mais après c'est pas mal, mais c'est un petit peu des fois mentir sur le métier, parce que à Top Chef on voit pas qu'il faut faire la plonge, qu'il faut faire le ménage, qu'il faut éplucher les légumes, enfin, les voir arriver, c'est bien, hein, ça revalorise le métier, mais un peu trop, ça embellit un peu trop le monde de la restauration. On s'est dit, ouais, mais dans la restauration, à Top Chef, on ne te parle pas des horaires, on ne te parle pas des conditions de travail, qu'il faut rester des heures et des heures et des heures debout, au chaud. Bon, on les voit un peu avoir chaud quand même, mais bon, c'est de la télé, quoi. Le mot plaisir qui revient souvent, donc ça c'est une gratification, mais est-ce que la cuisine ça paye, et ça paye bien? D'un point de vue financier vous parlez? Pour commencer, qu'on ait un CAP, un bac pro, voire même un BTS, on va certainement commencer au SMIC. Là, il n'y a pas tellement d'échelle, enfin, le diplôme va pas forcément récompenser dès le départ au niveau du salaire. Après ça va être la volonté, la capacité à faire des heures. Il y a encore beaucoup de restaurants où on va faire 45-50 heures en moyenne sur la semaine et lycée sur l'année, ça c'est certain. On va pouvoir rapidement arriver à 25-30% au-dessus du SMIC au bout de 1 à 2 ans sans problème, qu'on parte avec un CAP ou un bac pro. Ensuite, ça va être à l'envie et la capacité d'évoluer au sein d'une brigade. Un second de cuisine sur une brigade d'une dizaine de salariés aujourd'hui, il gagnera sans problème 2000 euros net, sans faire forcément 50 heures. Il pourra faire ses 39 heures avec 2 jours de repos et avoir 2000 euros net sur une grosse brigade. Ça va être le salaire aussi d'un chef dans un petit restaurant, 2000 euros net. Alors qu'un commis, lui, il va tourner à 1500, 1600 euros net. On peut gagner sa vie sans problème. Le gros avantage, il va pas forcément être financier, il va être sur la possibilité à changer, à voyager, à ne pas rester en rade, justement, une mauvaise expérience. On quitte son travail pour une raison X ou Y. dans la semaine qui suit, on a retrouvé du travail, voilà, on veut suivre sa copine qui déménage, on a du travail avant même d'être arrivé sur place. Et si on est motivé, si on en est capable, on va aller travailler en Amérique, aux Émirats Arabes Unis, partout là où on veut. Et c'est là où il faut voir l'attrait du métier, surtout et avant tout, effectivement. Hazan, les blancs d'œufs, pareil, tu récupères, tu rassembles avec les blancs d'œufs que Alexander avait commencé à récupérer. Oui, chef. On a entendu chef. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'être appelé chef ? C'est comme ça. C'est dans l'ordre du jour, on va dire, dans l'ordre des choses. Après, là, on est à l'école. Moi, j'ai été chef dans un restaurant. Le mot chef était sorti du vocabulaire. Il était vous sorti avez une toque qui dit que vous êtes le chef. Ouais. Il pourrait y avoir des galons si vous étiez à l'armée. Alors, ça veut rien dire. Hein. C'est parce qu'on a la toque là. C'est très embêtant d'ailleurs la toque. On s'accroche dans les hottes, c'est super embêtant. Pareil, c'est des codes qui sont là, qui sont à inscrire dans leur tête. Après, quand ils sortiront de l'école, ils verront plein de choses différemment. Chaque restaurant fonctionne différemment, chaque chef fonctionne différemment. Le mot chef reste là, mais vous verrez que ça bouge énormément à ce niveau-là. Le respect, il n'est pas que dans le mot chef, il est surtout, je pense, dans l'attitude du chef en lui-même, au quotidien, avant d'être là dans un mot dit chef. Voilà, bref, c'est très militaire. Encore une fois, je pense que c'est l'ancienne génération qui était portée là-dessus. Moi, pour ma part, voilà, sorti de l'école, je ne demandais plus à être appelé chef, mais par mon prénom, voilà. Ça a instauré une confiance, on était dans un cadre beaucoup plus étendu, on mettait de la musique en cuisine, enfin voilà, c'est des choses qui permettent de faire avancer l'équipe aussi autrement. Hein. La hiérarchie, oui, elle est très marquée dans les grands restaurants, gastronomiques, vous avez un chef, un sous-chef, un second, vous avez les premier commis, même si vous voulez, deuxième commis, apprenti, c'est une escalade infernale. Et les chefs en question ont une pression aussi, et les grands chefs, quand ils sont dans des grands restaurants comme ça, ils la répartissent, ils la renvoient sur tout le monde derrière. C'est fait boule de neige, ça se répartit sur tout le monde, ça se renvoie à tout le monde. Donc c'est comme ça, c'est une pression qui est monstrueuse aussi, ça je le conçois. Après, dans d'autres structures, chaque restaurant est différent. Chef féminin dans la cuisine, Cindy ? Très rarement j'ai vu ça. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Si quelqu'un a la réponse, je la veux bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de seconds qui sont féminins dans la cuisine ? Donc, vous apprêtez à rentrer dans un milieu masculin ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien d'être mélangé, hommes et femmes, parce que on devrait tous être égaux, surtout au niveau du salaire. Ça, c'est. Qu'est-ce que vous pensez que vous apportez en tant que fille en cuisine que n'apportent pas les garçons ? On n'apporte rien de plus, c'est juste qu'il y en a qui font des différences. Et à mes yeux, on est tous égaux et on apporte tous notre touche personnelle. Je compte trois filles au milieu de vos élèves et je leur ai posé la question sur est-ce qu'il y a une façon féminine ou masculine de faire la cuisine ? Vous en pensez quoi ? Alors là, de toute façon, je pense qu'on a tous un petit peu, même les garçons, on a tous une petite part de féminité dans ce métier. Il faut un minimum de délicatesse quand on travaille en cuisine, notamment en pâtisserie. Pâtisserie, en général, les filles sont naturellement plus raffinées que les garçons. Mais bon, après, on n'est pas tous égaux. Les filles, elles doivent beaucoup plus imposer parce que c'est quand même un métier d'homme. Si elles n'ont pas du caractère, elles ont du mal à s'imposer parce que c'est quand même un métier assez macho, on va dire un peu rustre parfois. Hein. Il y a quand même des mauvaises habitudes de nos chefs, de nos anciens chefs qui restent. Quoi, c'est quoi hein. Les mauvaises habitudes, c'est quoi Du vocabulaire assez. Donc des réflexions sexistes Ouais, ça peut arriver, puis c'est un métier quand même assez physique où les clichés restent comme quoi les filles seraient moins capables. Mais c'est un métier qui reste assez physique. Donc forcément, pour les filles, c'est plus dur. Elles doivent s'imposer. Donc voilà. Elles ont beaucoup plus de mérite, en général, à percer dans le métier parce qu'elles ont dû, en général, fournir deux fois plus d'efforts. c'est les chefs étoilés, elles ne sont pas étoilées pour rien. Hein. Notamment dans le coin là. Qu'est-ce que... Ah, bah, voilà, c'est joli ça. Voilà, ça c'est impeccable. Tu vois là, ça fait un joli sablage. Donc tu fais ta fontaine, tu mets ton jaune d'œuf et tu mets ton eau. Allez. Et ensuite, tu me diras quelle technique tu as préférée. Allez. Tu mets ton eau. Cuisine à la maison. Moi, à 99%. Moi, c'est mon plaisir, la cuisine. Ma femme, pas tellement. Donc, ça arrange tout le monde. Ça arrange ma femme, les enfants. Et moi, je suis ravi de passer plusieurs dizaines de minutes, voire une heure, pour le moindre repas du soir à la maison pour la famille. Ah oui, c'est... Et puis, moi, c'est vraiment la cuisine à la véronaise, terroir à l'ancienne, avec les conserves, les produits du marché, les produits locaux. Je suis un fervent défenseur de ce qui vient à la mode aujourd'hui. Mais voilà, moi, c'est mon leitmotiv. Le locavore à 200 km, pour moi, c'est pas... Non, le locavore, c'est 50 km, pas plus. Et surtout en Aveyron, c'est quand même très facile. Et voilà, la vraie bonne cuisine, simple. Et pour des élèves de CAP, on n'a pas le temps ni les moyens de leur enseigner de la cuisine, de la haute gastronomie. Donc déjà les bases pour eux, et moi c'est la cuisine que j'aime, la cuisine qui fait plaisir, simple, celle qui met en avant le terroir, le produit, voilà. Alors comment vous naviguez entre cette forte tradition aveyronnaise et votre désir de faire de la création? Quand on est en Aveyron, viande rouge, aligot, donc c'est-à-dire la viande rouge et la pomme de terre sous toutes ses formes. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce cadre imposé pour donner un peu de fantaisie? Sur des produits typiquement terroirs, comme on en a Aveyron, la truffade, le stockfish, l'aligot, les tripoux, honnêtement, les chefs cuisiniers qui se risquent à revisiter pour faire de la modernité quelque chose d'un peu extravagant, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout, là, faut être honnête. La clientèle aveyronnaise, elle est très, très ancrée dans la tradition, le terroir, et pour moi, c'est une qualité. Il y a des produits... C'est très, très risqué de les revisiter. Après, on peut le faire, mais modestement et sans trahir l'esprit des recettes surtout. Sinon, là, les clients, c'est carton rouge direct. Ensuite, on va quand même pouvoir jouer sur des textures, sur des températures, sur des formes de présentation. Mais les recettes terroirs, moi, je suis plutôt partisan de dire respect. Elles sont là depuis des décennies, des siècles. On va y aller modestement. On met sa petite touche. Voilà. C'est-à-dire concrètement, hier, j'ai mangé dans un restaurant à Rodez une viande rouge avec de l'aligot. L'assiette avait été transformée par une ardoise. C'est tout ce qu'on peut bouger. Ah non. On peut faire mieux que ça. Après, l'aligot, honnêtement, certains vont vous le présenter sous forme croustillante, en feuille de brique, en filot. L'aligot, c'est peut-être l'exemple, le meilleur exemple de ce qu'on ne peut pas trop changer quand même. Hein. Vraiment. L'aligot, il est parfait en lui-même. C'est pas joli dans l'assiette, mais ce qui compte, c'est qu'il soit servi à une température qui se joue à 5 degrés près. Voilà. 5 degrés trop chaud, l'aligot, c'est poubelle. 5 degrés trop froid ou 10 degrés trop froid, ça ne file plus. L'aligot, on peut pas tellement faire de style avec. Et après, la viande rouge, pour moi, ce qui compte, c'est pareil. La cuisson parfaite demandée par le client, assaisonnement parfait et température. Donc, effectivement, pas de freestyle pour moi. Allez, on envoie la suite, c'est parti. J'ai faim de tout et de rien, je mangerai n'importe quoi. Là, on parle cuisine, mais il y a un mot qui est arrivé ces dernières années, c'est le fooding. Food en anglais, la nourriture, et puis fooding, une espèce de mode de la nourriture, qui a pris une ampleur folle. Des lieux de nourriture, de consommation qui se sont créés partout, notamment beaucoup à Paris, ça a essaimé aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cette mode et cet attrait, ce goût de la cuisine qui est devenu quelque chose dans l'air du temps? Déjà, je pense que ça a dépoussiéré un peu la vieille cuisine française qui en avait bien besoin. Et c'est pas fini, on a encore du boulot. Non, il y a besoin d'un grand renouvellement, un grand changement. Après, ça veut dire quoi dépoussiérer? Sans enlever des contraintes inutiles de service, notamment enlever des contraintes un peu chikimiki, là, comme on dit, un peu qui sert à rien. Ou pas. Du chaud, quoi. Du chaud ou pas, oui, mais en fait, les gens ont besoin de savoir qui cuisine. Il faut une identité, en fait, en cuisine. J'en parle un peu en première année, mais c'est encore le début, mais on ne devient pas cuisinier sans avoir une identité au bout d'un moment. Si on ne transmet pas, si on n'a pas quelque chose à transmettre par notre histoire, par notre vécu, un cuisinier, un client vient dans un restaurant, il veut savoir ça en fait. C'est qui me fait cuisiner en fait? On veut savoir en fait, les gens veulent savoir. Maintenant, de plus en plus quoi. Moi ça m'intéresse pas. Vous avez une barbe de 3 jours, je ne vois pas de tatouage sur vos avant-bras. Vous avez quel âge? J'ai 37 ans. Donc vous êtes trop vieux pour jouer les cadors en cuisine qui viennent montrer leur beau corps d'athlètes tatoués, mal rasés, et qui deviennent plus les stars de leur établissement plutôt que leur cuisine. Ouais, devant les élèves, jouer à la star, déjà ça marche pas. Après, dans un resto, ouais, je vois bien le concept du chef. Il faut du show, quoi. Voilà, il faut être vu, il faut des cuisines ouvertes et il faut qu'on voit tout. Ça marche dans des grandes villes. Après, vous êtes dans l'Aveyron ici, amusez-vous à faire ça. On va vous regarder d'un autre œil, je pense. Hein, on va dire c'est qui ce guignol, quoi. Voilà. C'est ça aussi, il faut être en phase avec la clientèle qu'on a. Donc les valeurs dont je parlais, que vous transmettez à Véronèse, c'est pas qu'une recette de brandade, c'est quoi? Ben, c'est la grand-mère, c'est un terroir, c'est qu'on respecte, encore une fois, et qu'on essaie de pas oublier, tout simplement. Parce que le fooding, c'est ça, c'est que ça internationalise énormément la cuisine, mais l'idée, c'est pas dans une mondialisation de la cuisine, c'est qu'on on va pas se retrouver à manger tous pareil, quoi. Faut qu'on garde cette identité, obligatoirement. Sinon, elle se perd, hein, comme toutes les langues, comme tout. Mais est-ce que le mot terroir n'est pas devenu à la mode et revient avec un adjectif qui s'appelle locavore? On mange ce qu'il y a de près. Mais est-ce qu'on ne revient pas, comme on dit en rugby, aux fondamentaux, en fait? Exactement, ouais. Non, mais c'est ça, ouais, exactement. Les fondamentaux, les fondamentaux, les fondamentaux. Allez, on envoie la suite, c'est parti. Du saumon cuit sur la commode, des moules vraiment au poil, de la carpe de la muette, du merlan en chanteur. Du saumon cuit sur la commode, des moules vraiment au poil, du loup ingurgité par un phoque et ensuite régurgité. La esquimaux, connue sous le nom de loup phoque. Donc tu veux faire le travail de précision, tu prends un petit couteau. Et mes soeurs, c'est pas fait pour faire des tailles fines. Donc tu prends, tu tailles, la parure, tu la réserves et tu éminces finement. Voilà, regarde. La parure pour la compote, ça tu te le réserves et t'enchaînes. Tu peux faire 6 pommes comme ça et après 6 pommes coupées en quartier. Qu'est-ce que vous attendez à la fin d'une première année de CAP d'un élève en termes de, je sais pas, découpe de la volaille, confection de certaines sauces, maîtrise de certaines recettes? La même chose pour les deuxièmes années. Première année, je pense qu'il faut au moins maîtriser les règles de sécurité, les règles d'hygiène. Les techniques, on les approfondit vraiment en deuxième année, mais vraiment, les bases déjà en première année, c'est savoir le vocabulaire lexical. Quand on parle de matériel, une russe, un rouleau à pâtisserie, une plaque à débarrasser, il faut qu'ils sachent ce que c'est vraiment. Il faut qu'on puisse déjà communiquer avec le gamin, qu'ils ne me disent pas c'est quoi un fouet, c'est quoi une russe. Hein. C'est la première semaine. Alors, quand vous ne parlez pas français, ce n'est pas la première semaine. Ça, c'est peut-être pendant 6 mois, sachant qu'on a des élèves qui arrivent en cours d'année. L'hygiène, pareil, il faut se battre, comme je vous ai dit, c'est ici, on a des gamins qui viennent d'un milieu social pas toujours tip-top, ils n'ont pas forcément des très bonnes normes d'hygiène, quoi. Je veux dire, donc on est obligé de tout prendre, on part de zéro. C'est, on se lave les mains, on arrive en cuisine, les cheveux doivent être coupés, doivent être propres, hein. Il faut être rasé dans le meilleur des cas, les ongles, c'est court, c'est propre, il y a tout un travail à leur faire apprendre. Que mine de rien, pour nous, c'est logique, hein, mais pour eux, pas forcément, quoi. Pas pour tous, en tout cas. Donc ça, c'est des règles de comportement. Oui. Mais quand ils arrivent en deuxième année, qu'est-ce qu'ils savent? Normalement, ils savent déjà faire défonçage, comme on est en train de faire. Tout ce qui est les bases, les pâtes de base, pâtes brisées, pâtes sucrées, pâtes à choux, on doit avoir déjà de bonnes bases. Tout ce qui est marmelade, compoté, les cuissons, ça vient plutôt en deuxième année. On commence à aborder le sujet en première année, en deuxième année, on peaufine. Notamment le dressage des assiettes, parce que là on a carrément un restaurant d'application deuxième année, donc là on travaille vraiment les dressages, les volumes, les couleurs, tout ça. Oui, première année, qu'est-ce que se couper, émincer correctement sans couper les doigts parce que c'est pas toujours facile de couper comme il faut au début. On coupe bien, mais il faut couper vite aussi, c'est ça le truc. C'est si vous mettez 10 minutes à émincer une pomme de terre, hein, Le gamin, quand il arrive en stage, il se fait démonter, quoi. C'est, donc, éplucher les légumes, c'est 5 minutes, hein, et les émincer, c'est pareil, quoi. Le monde de la cuisine, c'est un monde hiérarchisé, quasiment militaire. Il y a un chef, des sous-chefs, des commis. On entend, dans l'actualité, de la maltraitance en cuisine, des gens qui se font battre, des gens qui se font abuser psychologiquement parce qu'il y a de la violence. Comment est-ce que vous préparez vos élèves à ce type d'environnement ? Je pense que ça s'est bien détendu par rapport à tout ça. Vu notre génération auparavant, oui, c'était énormément là-dessus. Qui avaient des problèmes, on les prépare au mieux, on leur dit que c'est pas un métier facile que vous avez choisi, qu'il va falloir être un peu assidu, être dans la demande du travail et non pas en attente. Mais je pense qu'il y a une génération nouvelle de chefs qui sont conscients de ça, on peut plus se permettre ce qu'on a pu se permettre auparavant dans la manière de transmettre. On peut plus demander ce qu'on demandait auparavant en apprentissage à des jeunes qui demandent plus de la confiance d'abord avant de casser tout ça pour les amener plus tard à continuer le métier, parce que sinon on casse des vocations, on casse tout. Mais la réalité, est-ce qu'elle ne rattrape pas cette vocation et cette passion, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes? Au bout de 5 ans, 80% des CAP cuisine arrêtent. Ils arrêtent pourquoi? Il doit y avoir une partie de ça, mais aussi la difficulté du métier. Si on n'a pas un goût pour ce métier, un minimum de passion, on ne peut pas continuer. Et le métier, ça veut dire des heures infernales. C'est pas 39 heures, c'est pas 40 heures par semaine, là. Ça dépend où. Ça dépend où ce que vous choisissez. Il y a plein de types de restauration possibles et chacun doit trouver la sienne, en fait. Et c'est ça ce qu'on leur essaie de leur transmettre, c'est-à-dire essayer, goûter, regarder tout ce qui est possible de faire. Si vous avez suffisamment l'envie, vous irez peut-être viser très haut. Et puis tout doucement, peut-être voir autre chose qui vous correspond. Ah ben là, garçon, t'es pas bien, là, t'es marron. Hein. Donc ça, tu m'as mis ça à tremper pour nettoyer ta casserole. Tu reprends des pommes et t'essaies de remettre le repas. Il y en a qui voient ils sont vraiment pas du tout faits pour ça. Déjà, le métier, déjà, leur correspond pas. C'est pas forcément ce qu'ils avaient prévu. Il y a, comme on disait tout à l'heure... cette autorité, cette hiérarchie, cette rigueur qu'il faut avoir, où on rentre ou on rentre pas dans le moule, quoi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc on s'est quand même vachement adouci. Les chefs gueulent beaucoup moins, ils sont vraiment beaucoup remis en question, parce que c'est vrai que moi j'ai eu des chefs à l'époque, ça filait droit, sinon t'en prenais une. Vous en avez déjà pris une ? Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Malheureusement, oui. Mais c'était des vieux chefs, donc nous on essaie de passer ça, et de ne pas reproduire évidemment ce qu'on a subi, quoi, parce que sinon ça veut dire qu'on est aussi bête que quoi. On parle, on explique bien, une fois, deux fois. T'as pas compris, c'est que j'ai mal expliqué. Alors je change ma façon d'expliquer. Mais bon, dans la restauration, on n'est pas forcément très patient non plus, quoi. On n'a pas le temps. Si on court derrière le temps. Le chef en cuisine, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps d'expliquer trois fois la même chose. Il y a un moment où il faut avancer, t'as pas compris, ben, tu vas faire la plonge. Ça se finit souvent comme ça. Malheureusement. Donc là, c'est là où les gamins, en général, ils décrochent. Fin de deuxième année, qu'est-ce qu'ils savent maîtriser et... voilà. Tout. Non, je déconne. Non, deuxième année, tout ce qui est pâtes, pâtisserie, normalement, il n'y a plus de soucis. Ils savent tous faire, hein. Des pâtes, des choux, les bases. En viande, ils savent désosser une volaille, une épaule d'agneau, tailler de la viande, des arrêtés, lever des filets de poisson. Là, normalement, tout ça, c'est acquis. Les légumes, bon, ben, on sait très bien les légumes. Après, il y a des choses qui ont disparu un petit peu, comme avant, à l'époque, on tournait les artichauts. Bon, ça se fait plus trop maintenant. Il y a des choses qui évoluent, quoi. Donc, on apprend à travailler des produits semi-élaborés. Donc, le feuilletage, c'est très rare maintenant dans un restaurant de faire sa pâte feuilletée. On utilise du feuilletage surgelé. Bon, ben, le gamin, il faut qu'il sache comment on s'en sert, quoi. Voilà. Mais tu produis, t'as l'ami ? Oui. Votre prénom ? C'est Ali Badara. Et vous venez d'où ? Et moi, je viens de la Gambie. La Gambie. J'ai découvert beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que c'est un métier que j'ai aimé avant tout d'abord de faire. Oui, ça me fait plaisir aussi d'être en cuisine et de cuisiner aussi avec les collègues, avec le set de chef, tout. Le métier que j'ai choisi et que j'ai aimé faire. Donc, plus tard, vous imaginez où? Plus tard, cuisine, toujours. Je vise toujours en haut, plus long. Oui, je ne laisse pas, je ne laisse rien. Est-ce que ça sera à Paris, ça sera à l'étranger, ça sera où? Je ne sais pas, mais ce que je pense, moi, c'est avoir mon CAP cuisine et continuer un peu BPC ou Bac Pro et rentrer chez moi. Ah oui, en Gambie? Oui, en Gambie. Et devenir un grand cuisinier dans votre pays natal? Un grand cuisinier dans mon pays, oui. C'est ça que je pense. Et votre tarte, elle est dans le four, là? Oui, elle est dans le four. Elle va cuire dans 5 minutes. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Bien. Très bien. Là, donc, c'est là, c'est la plonge. On commence la plonge parce qu'on a beaucoup, beaucoup salié. Donc moi, comme j'ai déjà fini faire de mon tarte, j'attaque ici avant que les autres ils vont finir, ça nous reste un peu, petit peu. Bonne plonge alors. Bonne merci. Plonge. Pas bon, les poubelles vidées, s'il vous plaît, on n'arrive pas trop mal. Nickel. Allez, là il y a de la farine, j'ai un coup de propre. Abdoul, le poste là aussi, tu m'arranges, dès que t'as épluché, hop, un bon coup de propre, s'il vous plaît. Oui, chef. Qu'est-ce qu'eux, ils vous demandent qui vous surprend? Combien on gagne? Combien on gagne dans la restauration? Est-ce que c'est bien payé? Il y en a beaucoup qui font ça parce qu'ils savent qu'il y a du travail. Ils veulent faire ça pour gagner de l'argent et ils sont souvent déçus quand je leur parle des salaires. Très souvent, notamment quand je leur parle de gastronomie où c'est niveau rapport qualité-prix, on va dire, c'est peut-être le pire, quoi. Mais ils sont très agréablement surpris quand je leur parle de pizza ou de crêpes, quand je leur parle des ratios et que je leur dis si vous voulez vraiment gagner de l'argent, faites des crêpes, faites des pizzas, les jeunes. L'autre jour encore, on a encore regardé des vidéos où on vend des crêpes sous la Tour Eiffel à 4€ une crêpe, alors qu'il y en a pour 15 centimes de marchandises. Ils ont vite fait le calcul, ils savent pas tous très bien compter, mais ils ont bien compris que là, il y avait de l'argent à se faire. C'est... On va voir les tartes. Allez, alors ça s'est pas cramé. Oula, ça sent. Ah, ça c'est bon. C'est bon. Yes, on est impeccable. Tu m'enlèves le couvercle et tu me dis c'est qui, c'est la moitié. Non, la nôtre elle est là. Ok, c'est la moitié de la part. Azan, il est. Ah non, Azan, je t'avais. Il est joli, Azan, là. Il est où, Azan? Ah, bon travail, ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Oh là là, elle est jalouse. Ça y est, Azan, on voit qu'il y a des filles, là. Ça y est, elles sont jalouses. Elles sont jalouses. Bonjour, je m'appelle Elodie. Je suis en CP cuisine. Description de votre tarte. Ben, on voit des pommes. Et ils sont un peu tout autour. On a fait comme une genre de rosace. C'est cramé. Oui, c'est un peu cramé. Parce qu'il y a le liquide qui est sorti, la crème. Du coup, ben, ça a cramé un petit peu de partout. Dans 5 ans, vous serez où? En pâtisserie. Peut-être dans une cuisine. À voir. Dans 5 ans, vous serez où? Je cherche mon restaurant. Je vais mon restaurant. Ok, où ça? Ici, à Villefranche, peut-être à Montauban. Et bonjour, je m'appelle Balde Boubacar. Et c'est moi qui fais cette tarte. Et vous voyez bien qu'il est très joli, il est très beau. La plus belle. Ouais, c'est la plus belle de tarte d'ici. La plus belle. J'ai fait le petit trait là, Vous voyez que les pommes, ils sont bien cuits. La crème aussi, elle est bien cuite. Dans 5 ans, vous serez où? Je vais être un cuisinier pour le minuteur. Les soldats, oui. Dans 5 ans, vous serez où? J'en ai aucune idée. Je m'appelle Priscilla Kelifi. Je fais une tarte alsacienne. Bon, elle est un peu trop cuite à mon goût. Il y a un côté un peu trop cuit, un côté pas très cuit. On dirait un peu vos cheveux, la couleur de vos cheveux. Ouais, c'est pas faux. Sur le devant, c'est un peu auburn et puis derrière, c'est blond. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça, oui. Moi, Emilio, c'est élève de terminale cuisine. Donc, description de la tarte. Les ordonnées, tout comme moi d'ailleurs. J'ai beaucoup de plaisir quand les gamins, une fois qu'ils ont eu leur CAP ou pas eu leur CAP, mais quand ils me recontactent. Quand il me rappelle en disant « Chef, je suis là, je fais ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je suis très très content. L'année dernière, j'ai un élève qui a réussi à partir en BP à Cahors. Et là, il est dans un étoilé Michelin à Lisbonne. Et il me dit « Chef, regardez ce que j'ai fait et tout ça. » Je fais « C'est super. » Je suis super content parce que c'était un gamin qui était dyslexique, qui était très lent. Et au fur et à mesure, il a progressé. Il s'est beaucoup entraîné, il a beaucoup travaillé à la maison. Et aujourd'hui, voilà quoi, j'espère qu'il va réussir. Et ça me fait vraiment plaisir, quoi. Vraiment. La plupart ici se dénigrent totalement, ils se rabaissent, quoi. Ils sont là, moi je suis incapable de faire ça, je suis nul. Comme je disais, ça vient du cadre social un petit peu, où ils sont pas toujours encouragés à la maison. Et quand ils arrivent à faire quelque chose de bien, ils sont très très fiers. Et ça c'est le mieux, quoi. C'est pour ça qu'on fait ce métier, quoi, je pense. Apprendre le métier, mais surtout voir que le gamin il arrive à faire quelque chose et qu'il est fier de lui, le revaloriser un petit peu, je pense que c'est le plus beau. Oh, le beau gâteau! C'est un très bon pâtissier. On va demander aux trois chefs de s'approcher et de nous donner l'avis des chefs sur les tartes aux pommes, comme à la télé. Ah, la Masterchef. Ah, mais il faut s'asseoir et tout ça, là. Non, je déconne. Alors, la texture, la présentation, tout. Alors, pâte un peu épaisse sur les côtés. La cuisson est bien. Celle-là manque un peu de cuisson, en dessous on peut voir que c'est un peu blanc. Voilà. Ouais, après effectivement les fours sont pas forcément parfaits, donc on a un petit peu d'indulgence sur la cuisson. Après dans l'ensemble elles sont quand même très bien. Elles sont pas parfaites, mais il y en a qui sont très très très jolies. Et c'est Abdoul, ouais, c'est Abdoul et Boubacar, je crois, les plus jolies. Hein. Et mis à part tout ça, le goût est là. Applaudissements. Ah ben oui, applaudissez-vous. Voilà. Belle centre bois. Je donne toutes mes chemises à la laverie automatique. La concierge me monte mon café et mes tartines. Mais la vie n'est pas facile sans les joies de la cuisine. Cap sur le CAP cuisine. Avec les enseignants et les élèves de l'établissement régional d'enseignement adapté de Villefranche-de-Rouergue et sa directrice Patricia Collin. La série documentaire, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomaret. S'il y a une chose qui me manque, c'est bien les joies de la cuisine. La santé même qui déteste le régime, qui n'est jamais fait carême, c'est pas tous les soirs que je dîne. Et pourtant Dieu sait si j'aime les joies de la cuisine. Cuistot, fingueul, cuisinière, gastronome ou commis, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à table, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret.